Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Et pour cette nouvelle émission de Caprice de lecture, aujourd'hui, Sarah reçoit Aurélie Lesage de Synop Édition. Déjà, merci d'accepter de m'accorder ce temps pour une interview. Merci à vous déjà. La question qu'on se pose en premier, c'est comment est née Synop Édition et surtout, pourquoi ce nom? Moi, j'ai un petit peu recherché. J'ai trouvé que deux significations à Synop, c'est une ville de Turquie ou un fleuve de Normandie. Alors, c'est quoi un petit peu les origines? Alors, l'origine du nom, c'est par rapport en fait à Diogène. D'accord. Diogène le cynique. Ok. Et donc, c'est en hommage à ce personnage de la mythologie, en fait. Enfin, c'est même pas un personnage de la mythologie. Enfin, c'est devenu un mythe, mais c'est un philosophe. Et en fait, c'est un personnage que je trouve attachant. Ouais. En dépit de son comportement hors norme. Et justement, c'est quelqu'un qui critiquait un peu l'hypocrisie de la société et les convenances. Et je l'apprécie pour ça, et puis j'aime les chiens, donc voilà. Bon, alors, super. D'ailleurs, en plus, ce qui expliquerait, mais ça, on y viendra dans une autre question, les différentes catégories un petit peu de littérature que vous pouvez proposer avec des noms de catégories qui sortent vraiment un petit peu de l'ordinaire, quoi. Okay. Tout à fait. Alors, la deuxième question, c'est plutôt la rencontre avec le manuscrit, c'est-à-dire, vous recevez un manuscrit, qui convient? On suppose qu'il y a un comité de lecture. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire de la réception du manuscrit à la lecture, la rencontre avec l'auteur et enfin, rêve ultime de l'auteur, l'édition. Déjà, quand j'ai créé la maison d'édition qui est toute jeune, hein, je suis vraiment étonnée du succès que ça a eu. Ouais. J'ai reçu énormément de manuscrits. Ok. Donc, effectivement, je les lis. Parfois, j'envoie à quelqu'un pour avoir un œil extérieur aussi. D'accord. Parce que c'est important que ce ne soit pas centré que sur une seule personne. Et puis, peut-être que quelquefois, on a du mal à être objectif si ça touche nos goûts personnels, du coup. Tout à fait. Oui. Donc, c'est bien de faire lire à plusieurs personnes. Et j'en ai reçu tellement que j'ai reçu des manuscrits cet été que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Parce que moi, j'aime bien prendre le temps de lire, même si parfois, bien sûr, on est obligé de lire en diagonale. Mais j'aime bien voir le style et où va l'auteur. Donc des fois, les réponses sont un peu tardives. Oui. Je l'ai mis sur le site internet, mais c'est vraiment parce que je prends vraiment du temps à les lire par respect déjà pour l'auteur qui a écrit. Et puis, parce que j'ai pas envie d'éditer n'importe quoi non plus. Ouais. Voilà. C'est un respect pour, effectivement, celui qui a écrit, si vous devez lui faire un rendu quand même, qu'on sache un peu de quoi on parle, en fait. Enfin, voilà. Tout à fait. Retour de l'émission Caprice de lecture tout de suite après Juliette Armanet avec Flamme. J'en aurais passé des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes dames, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller. deuxième partie de l'émission Caprice de lecture. Sarah reçoit aujourd'hui Aurélie de Synop Édition. Troisième question, donc dans votre catalogue, c'est ce que je disais un petit peu précédemment, il y a plusieurs thématiques de littérature. Alors par exemple, il y a Ligne de fuite et Hors sentier, hein, je n'en cite que deux. Il y en a sept. Comment vos lecteurs appréhendent, parce que quand on va sur le site internet, donc on a l'histoire, le catalogue, les différents types de littérature, quels sont les retours qu'on vous fait sur ces noms? Moi par exemple, je trouve ça super original. Quand je vois par exemple Ligne de fuite, bah, ça attise un petit peu ma curiosité. Je me dis, tiens, c'est peut-être un truc complètement différent de ce qu'on peut croisés dans les très grandes maisons d'édition. Quels sont les retours que vous pouvez avoir de ça, en fait? Alors, bah, tout ce qui concerne Ligne de fuite, c'est tous les ouvrages qui tournent autour de l'art, en fait. Et donc là, on a édité dernièrement un ouvrage sur l'histoire de la peinture. Mm-hmm. Donc tout ce qui concerne l'art, l'esthétique, la philosophie aussi de l'esthétique. Donc ça rentre dans cette rubrique Ligne de fuite. Et là, c'était un hommage à Gilles Deleuze. Donc voilà, c'est pour ça que qu'on a appelé cette catégorie-là Ligne de fuite. D'accord. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous n'avez pas une ligne éditoriale fermée. Je me dis que c'est sûrement la clé de votre succès, puisque vous en parliez dans la première question. Vous recevez plein de manuscrits parce qu'en fait, vous n'êtes pas bloqué dans un style de littérature. Je pense que ça, c'est à la fois, c'est presque la qualité de son défaut, c'est-à-dire que bah, voilà, vous pouvez permettre à plein d'auteurs qui souhaitent être connus ou qui le sont déjà d'avoir une nouvelle approche, on va dire, de leur littérature ou de leurs écrits. Et bah, on va dire quelque part, un peu le pendant, bah, c'est le succès que vous rencontrer en fait. Oui, tout à fait, parce qu'après on est un peu débordé. Je comprends. Et du coup, et comme en plus votre maison d'édition est jeune, vous avez, je pense, une marge de manœuvre énorme sur ce que vous pouvez choisir, du coup. Oui, voilà. Et c'est pour ça que c'était important de créer des collections aussi, pour ne pas mélanger les styles. Donc on est ouvert à tous les styles, mais il faut aussi les catégoriser d'une certaine manière pour que les gens puissent s'y retrouver. Oui. Sinon, c'est bien d'être rigoureux à ce niveau-là. Oui. Alors justement, on parlait un petit peu donc du nombre d'auteurs qui peuvent vous solliciter. Donc, ils ont tous des profils extrêmement variés. Ils viennent d'horizons tous très différents. Est-ce que vous arrivez à créer un dialogue? Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'on arrive à créer, on va dire, une espèce de discussion entre eux ou des choses qui font écho? Par exemple, alors j'ai pas pris les noms des auteurs, mais par exemple un auteur de philosophie ou d'esthétique, est-ce qu'on peut arriver à faire des liens justement dans votre ligne éditoriale avec un autre auteur qui écrira peut-être plutôt de la poésie? Ligne de fuite, c'est peut-être pas la rubrique la mieux appropriée, mais par exemple entre la rubrique hors sentier et la collection Temps du récit, là évidemment il y a des liens, parce que dans la collection hors sentier, on peut retrouver des romans qui sortent un peu de l'ordinaire, mais ça reste quand même des romans, des récits. Ok. Et du coup, est-ce qu'un auteur peut passer... alors, je pense que oui, voilà, mais c'est toujours intéressant d'en discuter. Si on a un auteur, par exemple, qui va plutôt faire du récit et qui aurait envie de faire de la poésie ou de la philosophie, on peut le retrouver dans plusieurs catégories, du coup. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est un petit peu... qui est assez original, en fait, dans votre maison d'édition. Et c'est ça qui interpelle, parce que vous présentez beaucoup de choses très différentes, essentiellement sur les réseaux. Moi, je vous ai découvert sur les réseaux. Oui. Et c'est l'originalité de la maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nom derrière une maison d'édition. On a une maison d'édition qui présente des noms avec des littératures différentes. Tout à fait. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu le coup de cœur pour votre maison d'édition. C'est pour ça. Souvenir de 2017 avec Clara Luciani et La Grenade avant la dernière partie de Caprice de lecture consacrée aujourd'hui à Synop Édition. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde. Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sein la grenade, sous mon sein la regarde. qu'un animal déguisé en matone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Retour de Caprice de lecture pour la dernière partie, toujours présentée par Sarah en compagnie de son invité Aurélie Lesage de Synop Éditions. Dernière question, quels sont un petit peu les projets de la maison d'édition donc en ce début d'année 2023? Alors, mon projet pour cette année, c'est vraiment de nouer des partenariats avec les librairies. Okay. Et c'est là où c'est ce qui est le plus difficile en fait. Ça commence à se faire petit à petit, mais le temps qu'un libraire nous fasse confiance, voilà, ça demande beaucoup de temps, ouais, et de relationnel et de démarches, voilà. Donc, est-ce que le fait que les maisons d'édition, on va dire très implantées, hein, pour ne pas citer leur nom, ça joue beaucoup, je suppose. Oui, bien sûr. Ah, oui. Bien sûr. C'est toujours très compliqué parce qu'ils ont un nom qui permet de faire refléter la maison d'édition et c'est pas toujours un gage de qualité. Moi, je trouve, voilà. Bon. Et du coup, vous cherchez auprès des libraires, est-ce que peut-être des partenariats avec d'autres maisons d'édition, ce serait envisageable ou vous souhaitez vraiment garder votre identité propre? Alors, pour le moment, on préfère garder notre identité propre. Oui. Après, nous, c'est vraiment chercher des partenariats avec des librairies, chercher un diffuseur à terme. Oui. Parce que plus on aura de bénéfices, plus on pourra investir là-dedans, bah oui, dans le bien diffuseur. Sûr. Donc, ça vous permettra de développer l'activité. Tout à fait. Eh oui. Tout à fait. Là, on est vraiment qu'au tout début de l'activité. Ouais. Mais ce qui est positif, c'est qu'on commence à faire des bénéfices. Donc, c'est pas du travail. C'est du travail pour quelque chose, en fait. Voilà, parce c'est que ça, c'est encourageant. Et du coup, est-ce que vous allez, je vais un petit peu plus loin, hein, est-ce que vous avez des projets de participer à des salons littéraires, des festivals ou ce genre de choses pour vous faire connaître ou pas? Alors, en avril, on va participer à un salon de la poésie en Bretagne. Ok. Durant le printemps des poètes. Et puis là, on comptait s'inscrire à l'association L'Autre Livre, okay, pour participer au forum de l'édition indépendante qui se déroule aussi en avril. Et on peut exposer des auteurs, les auteurs peuvent venir dédicacer leurs livres. Et c'est où ça, le forum des éditions indépendantes? Alors, c'est un salon du livre, hein, pour les maisons d'édition indépendantes, c'est à Paris. Paris, ok. C'est à Paris, vers les Halles. Oui, voilà, ok. Un petit salon indépendant. Dans le premier arrondissement, juste à côté. C'est okay. Ça, oui, oui. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aurélie de nous avoir accordé ce temps. C'était hyper intéressant. On fera tout le montage, tout ça. Et promis, je vous envoie le lien le jour de la diffusion. Et voilà. OK? D'accord. Merci bien, beaucoup. Et puis, bon courage. C'est un très beau projet. Je suis vraiment... je suis très, très admirative de l'énergie que vous pouvez y dépenser, y consacrer. Mais je pense que quand on est passionné, on compte pas. Voilà. Mais c'est beaucoup de travail, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Merci beaucoup Aurélie. À bientôt. Merci. Hein. Merci, au revoir.